Voilà, Mungu aimbariki. Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Levons-nous pour la parole. Tusimame juu ya kusoma neno la Mungu. Tutasoma Nehemia sura 2. Nehemia au chapitre 2. Nehemia sura yake ya pili. Notre Père et notre Dieu. Baba yetu na Mungu wetu. De tout cœur, nous te disons merci. Na moyo wote tunasema asante. Parce que tu as permis que cette réunion de prière soit là. Kwani uliruhusu ya kwamba mkusanyiko ya maombi ipate kuwako. Depuis le matin, il y a des frères et sœurs. Tangia subuhi kuku bantu kuna badada. Ils sont venus ici pour t'adresser un mot de prière. Bale bali kuja pa ifazi jia ukwambia maombi. Dans notre cœur, tu es le seul Dieu vivant. Mumoyo wetu uku Mungu peke yake mwenye kuwa ai. Tu nous as donné des oreilles. Uli tupatia masikio. Parce que toi-même tu as des oreilles pour écouter nos prières. Kwani wewe mwenyewe uko na masikio juu ya kusikia maombi zetu. Tu nous as donné une bouche pour parler. Ulitupatia vinywa juu ya kusema. Parce que toi tu en as pour nous adresser à nous. Kwani wewe nawe uko na kinywa juu ya kutuambia sisi. Nous croyons dans notre foi. Tunaamini katika imani yetu. Que toi tu réponds toujours à une prière sincère. Ya kwamba wewe kila mara kunajibia maombi ya uhaki. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Bwana Yesu Kristo. Réponds à chaque frère et à chaque sœur. Umujibu kila ndugu na kila dada. À sa prière qu'il t'a adressée ici. Kumaombi yake ile alikuomba pa ifadhi. Seigneur, merci. Bwana asante. Que celui qui a besoin du Saint-Esprit, mwenye kuwa na nja ya Roho Mtakatifu, c'est toi seul qui baptise du Saint-Esprit. Wewe peke ndio unabatiza na Roho Mtakatifu. S'il y a un frère ou une sœur qui était malade, kama kuku nduku wala dada ule alikuwa mgonjwa, et qui cherchait la guérison, na ule alikuwa anatafuta utunzo, c'est dans tes mains que tu, alakini ni mvidonda vyako, qui a la guérison. Jo muko utunzo. S'il y a un frère ou une sœur kama kuku nduku wala dada qui avait besoin d'une réponse quelque part, ulahitaji jibu fazi fulani, c'est toi qui as dit, wenjo ulisema, tout ce que nous te demanderons en croyant, en priant, yote ile tutakuomba katika maombi, voyons que nous l'avons déjà reçu, tuamini ya kwamba tunesha ipokea, et nous le verrons s'accomplir, na tutaiona kutimilika. Seigneur, merci. Bwana asante. Pour toutes les prières qui t'ont été adressées. Kwa ajili ya maombi yote ile walikuomba. Merci pour ton serviteur. Asante juu ya mtumishi wako. Que tu as établi pour instruire ton peuple. Ule uliweka juu ya kufundisha taifa yako. Merci pour cette église. Asante juu ya kanisa. Des frères et des sœurs qui viennent écouter ta parole. Bantu kuna badada wale wako na kuja kusikia neno lako. Sois avec nous. Uwe nasi. Alors que nous voulons encore continuer avec l'enseignement. Wakati ile tunapenda tena kuendelea na mafundisho. Accorde-nous suffisamment de grâce. Utupatie neema ya mingi. Pour la gloire de ton nom. Juu ya utukufu wa jina lako. Bénis la parole que nous allons lire. Ubariki neno tutasoma. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina Bwana Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Nehemia chapitre 2. Nehemia sura yake ya pili. Dans son verset 9 à 10. Mustari yake ya tisa kufika na kumi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Nikaenda mbele ya waliwali ile ngambo ya mto. Et je leur remis les lettres du roi. Na nikawapatia mabarua ya mfalme. qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Ile ilinisindikishwa na wakubwa wa askari na wapanda farasi. Sambala le Ormonite. Huyu Sambala wa Eronite. Et Tobija le serviteur Ammonite. Na huyu Tobija mutumishi Ammonite. L'ayant appris eurent un grand plaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Kisha kujulishwa wakasikia mbaya vile kulikuwa mtu ule alikuja jua kutafuta vizuri ya watoto wa Israeli. Dans Néhémie au chapitre 4, Néhémie sura yake ya 4, dans son verset 1, mstari ya kwanza, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, wakati ile Sambala alijulishwa ya kwamba tukuna yengulula ukuta, il fut en colère et très irrité. Akakuwa katika kasirani na kusirika kabisa. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusomi wa neno lake. Comme aujourd'hui est une journée de prière, sawa vile leo ni siku ya maombi, dans ce livre de Néhémie que nous sommes en train d'étudier, mui kitabu ya Néhémie ile tukunajifunza, il y a quelque chose de très important qui peut nous aider kitu, à notre marche. Muku kitu kia mafa kile kinawezi kutusaidia mu safari yetu. Nous voulons continuer à voir les moyens que les ennemis des Juifs ont utilisés pour décourager les Juifs. Tunapenda kujua manamna ile baadui ya Wayuda walitumikisha juu ya kuzuiza kazi ya Wayuda isiendelee kazi ya Mungu. Et quel a été le comportement des Juifs qui tenaient à tout prix à reconstruire la maison du Seigneur? Na namna ya kutenda ya Bayuda bali barishika roho yabo kuendelea kujenga ilikuwa namna gani? Ainsi que le muraille de Jérusalem. Pamoja na ukuta ya Yerusalema. Vous remarquerez, mutaona ya kwamba, que dans les attaques de l'ennemi, mwile kushambulia kwa waadui, il avait utilisé plusieurs moyens pour décourager les enfants d'Israël. Baritumikisha manamna ya kuachana juu ya kulekesha batoto ya Israeli. Et les premières attaques de l'ennemi, na kukombanisha kwa kwanza kwa baadui, pour décourager la reconstruction de la ville, c'était des moqueries. Ilikuwa kwanza ni kubachekelea. Lorsque les ennemis d'Israël, wakati le baadui ya Israeli, apprirent que les Juifs rebâtissaient la maison et le muraille, walipata habari ya kwamba Bayuda walikuwa na yengulula hekalu na ukuta, ils se sont mis en colère, bari shirika, et ils se moquaient des Juifs, na balianza kuchekelea Bayuda. C'est ce que nous pouvons lire ici dans Néhémie chapitre 4, versets 1 à 3. Ile tunawezi kuisoma Néhémie sura 4 mstari ya kwanza kufika na ya tatu. Il se moqua des Juifs. Walichekelea Wayuda. Et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Na wakasema mbele ya banduku zao na mbele ya waskari wa Samaria. À quoi travaille ces justes impuissants? Awa wayuda basipo nguvu banatumika juu ya nini? Les laissera-t-on faire? Yeti tutabacha baendele? Sacrifieront-ils? Yeti batatoa masadaka? Vont-ils achever? Yeti batamaliza? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière? Eti bataleta buzima kuima jiwe yenye kujikwa chini ya bulongo et consumé par le feu na yenye kuteketezwa na moto. Les ennemis se sont moqués des Juifs. Aba baadui barichekelea bayuda. Et quand Tobija vient lui dit, wakati yeye Tobija alikuja akasema, laissez-les bâtir. Mubache bayenge. Si un renard se lance, kama kabunji kanajitupa kanajipeleka kanaluka, il renversera leur muraille de pierre. Atabomola hii ukuta yao ya maibwe. Mais observez les comportements de Néhémie. Alakini mwangalishishe namna ya kutenda ya Nehemia. Comme réponse au découragement et à la moquerie des ennemis. Sawajibu ila leta wile kulekeshwa kwa baadui yake. Néhémie se consacra à la prière. Néhémie alijitoa kwa maombi. Et deuxièmement, il fit monter la garde jour et nuit pour se défendre. Na kia pili aliweka wanzamu juu ya kukumbanisha. Pour contrecarrer cette première attaque, juba pate kuzuiza kule kukumbanisha kwa kwanza. Néhémie n'avait pas baissé les bras. Néhémie asikuikale kimya bila kuacha kufanya kitu. Il comprenait que les moqueries décourageraient le peuple qui construisait la muraille. Arielewa ya kwamba kule kuchekelewa kutalekesha taifa ya Mungu ile ilikuwa na yengulula ukuta. Ces moqueries tombaient dans les oreilles des humains. Ile makuchekelea ilikuwa naanguka umasikio ya watu. Qui en réalité était faible. Bale kwa kweli balikuwa bazaifu. Il n'avait pas une armée forte pour résister à l'armée, aux armées étrangères qui les entouraient. Abakwe na jeshi ya nguvu juu ya kushindana na ile jeshi ya kigeni ilibazunguka. Néhémie se confia en Dieu. Néhémie yeye alimutumainia Mungu. Et pris des mesures pour se défendre contre l'ennemi. Na alichugua mamipango juu apate kujikombania mbele ya bale baadui. En mettant entièrement sa foi en Dieu. Mukuweka imani yake kabisa ndani ya Mungu. Dans Néhémie au chapitre 4. Munehemia sura yake ya 4. Dans son verset 9. Mustari ya 9. Lorsque l'ennemi s'est moqué d'eux, wakati adui alikuwa anawachekelea, et qu'ils se liguèrent pour les attaquer, na wale adui walijitoa wapate kuwakombanisha, ils se sont walisikilizana wapate kuwakombanisha, nous priâmes notre Dieu. Alakini sisi tuliomba Mungu wetu. Et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Na tuliweka banzamu usiku na mchana ili tupate kulikombania. Bien-aimés frères et sœurs, bapendwa bantu kuna patata, Lorsque nous lisons souvent le livre de Néhémie, wakati tukunasoma kitabu ya Nehemia, à la reconstruction du miracle de Jérusalem, mukuyengulula ukuta ya Yerusalema, vous remarquerez mutaona ya kwamba qu'à chaque fois que Néhémie était attaqué, kila mara Néhémie walikuwa namkombanisha, avant toute chose, mbele ya kitu kyote, il recourait à la prière. Alikuwa nakimbilia kwa maombi. C'est là où nous les chrétiens nous avons beaucoup failli. Jo pa ile fazi sisi wa Kristo tulianguka, tunalekea, tunakotola. Je m'arrête un peu là. Nasimamia kwanza pale. Pour parler un peu de la prière. Jua kusemezea kwanza yuli ya maombi. La vie d'un chrétien, maisha ya mukristo, comme nous l'enseignons souvent, vile tukunaifundisha kila mara, est une vie de combat de tous les jours. Ni maisha ya vita ya kila siku. Nous sommes confrontés à chaque fois aux attaques de l'ennemi. Kila mara wanatushambulia na kukombanishwa kwa adui. Nous combattons contre les ennemis de l'extérieur comme de l'intérieur. Tukunakombana na baadui ya nje na bandani. Mais souvent les chrétiens sont très distraits. Kila mara wa Kristo beko benye kulengama. Et ne prennent pas au sérieux les instructions de la parole. Na bao abachukue na moyo wote maagizo ya neno la Mungu. Souvent quand les frères et les sœurs sont en difficulté, kila mara wakati banduku na badadu beko katika magumu, ils ne considèrent pas ce que disent les saintes écritures abangalie kile maandiko takatifu kunasema pour les mettre en pratique juba pate kuitumikisha. Mais la plupart se lancent dans les lamentations, alakini, dans les plaintes. Alakini ba mingi banajitoa mkunungunika na mkulialia. C'est ainsi que le diable a le dessus sur eux. Jomui namna shetani eko na batawala. Ils oublient qu'ils ont un Dieu qui est capable de neutraliser toute situation que l'ennemi peut soulever dans leur conduite et dans leur vie. Bana sabu ya kwamba weko na Mungu la tabasaidia kushinda mwile mashambulio yote shetani anawakombanisha maisha. Nemi comprenez que les Juifs étaient réellement faibles et qu'ils n'avaient pas de soutien. Néhémie arielewa ya kwamba bayuda barko bazaifu na bakwe na msaada. Et qu'ils n'avaient même pas une armée sur laquelle ils pouvaient compter. Na bakwe na jesi ile balipashi kutumainia. Mais néanmoins Néhémie comprit. Alakini hata vile Néhémie arielewa. Qu'ils avaient un Dieu tout-puissant ya kwamba walikuwa na Mungu wa uwezo wote, qui était capable de leur accorder la victoire, mula alikuwa na uwezo wa kuwapatia ushindi, en toute situation, mu mambo zote. C'est pourquoi ndio kwa maana il est recouru à la prière. Ndio kwa maana yeye alikimbilia kwa maombi. Bien-aimé frère et sœur, wapendwa wa ndugu na wadada, chaque fois que nous traversions une situation difficile et compliquée, kila mara wakati ile tunapatikana mwali ya mbaya na ya hatari, nous devons recourir à la prière dans notre vie. Tunapashu kimbilia kwa maombi mwa maisha yetu. Chaque fois que nous traversons une situation dans laquelle nous pensons que nous ne pouvons pas avoir des solutions ou des victoires. Wakati ile tunapatikana mwali ile tunawazia kwamba tutakuwa na ushindi na tuwezi kutoka mo. Nous devons nous appuyer sur le Dieu en qui nous avons cru. Tunapaswa kutumainia Mungu yule tunaamini. Et lui faire confiance. Na kumtumainia kabisa. Qui nous accordera la victoire. Ya kwamba atatupatia ushindi. C'est vrai, frère. Bia kweli ndugu yangu. C'est pourquoi Néhémie a prié. Je crois que Néhémie, yeye aliomba. Et nous devons aussi prier. Na sisi tunapashi kuomba. Lorsque nous tombons malades, wakati ile tunagonjwa, nous devons recourir premièrement à la prière. Tunapashi kukimbilia kwanza kumaombi. Lorsque nous sommes méprisés, wakati ile wanatubeula, au travail, mukazi, dans nos quartiers, mukartie yetu, partout où nous vivons, fazi yote ile tunaishi, les gens se moquent de nous. Watu wanatuchekelea. Nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons recourir à la prière. Lorsque nous nous sentons haïs de tout le monde, nous devons recourir à la prière. Lorsque nous nous sentons abattus, wakati tunajiona et sans force, venye kulekea na basipo nguvu, notre solution doit être la prière. Jibu yetu inapashi kwa maombi. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, wakati ile tunahitaji kitu fulani, nous n'avons pas de vêtements, hatuna na mavazi, n'avons pas de nourriture, hatuna na chakula. Nous avons besoin d'un, nous voulons accomplir un besoin quelque part. Tunahitaji tupate kujibu fulani. La prière, maombi, est une solution, jojibu, à chaque situation, mambo yote, qui surgira dans notre vie. Ile taonekana mu maisha yetu. C'est vrai, frère. Bia kweli ndugu. Néhémie pria Dieu. Néhémie yeye alimuomba Mungu. Avant d'établir la garde, bele kuweka banzamu, pour se défendre contre les ennemis, contre les attaques de l'ennemi, kulikombania mbele ya mashambulio ya adui. Jésus-Christ nous a enseigné. Jésus-Christ alitufundisha. Dans Luc au chapitre 21. Muluka sura makumi mbili na moja. Ce qui est drôle, kia kibaya ni, kia kushangani, c'est de voir les chrétiens qui n'aiment pas prier. Ni ya kuona wa Kristo wale wapende kuomba. Ceux qui se disent chrétiens, wale wanajita la prière, wa Kristo wanakimbia maombi. Et pourtant la prière, japo maombi, nous apportera solution et victoire, itatupatia ushindi na jibu, en toutes choses, mu mambo zote. Luc 21. Luka sura makumi mbili na moja. Dans son verset 36. Mustari ya makumi tatu na sita. Veillez donc et priez en tout temps. Mukeshe basi na muombe mu wakati yote. Veillez donc et priez en toute situation. Mukeshe basi na muombe mu mambo zote. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront. Ili mupate nguvu ya kuepuka ibi vitu vyote vile vitamifikia. Il y a des choses qui arrivent. Huku vitu fulani vile vikunafika. dans la marche de tous les jours d'un chrétien, pour avoir la victoire et atteindre l'objectif en paix, la prière est un secours que Dieu nous a donné pour nous faciliter le travail. Maombi ni msaada ile Mungu alitupatia juu ipate kutupunguzia kazi. Nous avons beaucoup d'échecs dans ce que nous faisons parce que nous prions pas assez. Tunakosewa sana mwile tu kunafanya kwa ajili atuombe sana. Nous sommes vaincus par le péché, par les démons. Tunatawaliwa na zambi na mademona. C'est parce que nous ne prions pas assez. Kwani juu atuombe mingi. Nos activités n'avancent pas correctement parce que nous ne les remettons pas suffisamment dans la prière. Makazi yetu ayendelee zaidi ni kwani atuipeleke mara mingi mu maombi. Nos enfants se me conduisent et jette de l'opprobre sur la parole et sur nos foyers parce que nous ne prions pas pour eux suffisamment. Il y a souvent des troubles dans nos foyers parce qu'il manque la vie de prière. Il y a des conflits entre mari et femme dans nos foyers parce que la prière a été mise à côté. L'homme n'a pas de temps de prier suffisamment pour son épouse, pour sa femme et pour ses enfants. La femme n'a pas suffisamment de temps pour prier pour son mari et pour ses enfants. Les enfants eux-mêmes n'ont pas de temps pour prier pour les parents. C'est ainsi que le diable et tous les démons ont la liberté d'agir dans nos foyers parce qu'il n'y a rien qui les empêche d'agir. Dans l'église, Mukanisa, on ne prie pas les uns pour les autres. C'est pourquoi le diable Shetani a les terrains libres pour agir. Wazi, apate kutumika. La prière Maombi est une arme pour un véritable croyant Nisila, kwa mwaminifu wa kweli. Qui lui accordera la victoire en toute situation et dans toutes les circonstances que ce dernier peut traverser. Dieu nous a donné des armes offensives et défensives. Dieu a donné à l'église la parole, la prière et le Saint-Esprit pour vaincre Satan. La parole sans prière ne peut pas agir. La prière et la parole sans l'Esprit, les deux ne peuvent pas agir. La prière sans la parole maombi bila neno haina na uwezo. Il faut la prière, nafasi kukue maombi. Il faut la parole, kukue na neno. Il faut le Saint-Esprit pour actionner les deux afin que la puissance de Dieu puisse se manifester. Ili uwezo ya Mungu yonekane. Mais les gens ne prient pas. Alakini batu abaombe. C'est pourquoi ils sont tout le temps vaincus. Joko mana kila mara bana bashinda. C'est pourquoi ils sont tout le temps en échec. Je comprends qu'il a marre avec on a chindoa. Même pour changer de caractère. Attendu à kubadirisha matabia. Pour avoir la délivrance. Makua na ukombozi. Il faut prier. Il n'a pas su ombe. Il y a des démons. Kukuma demona. Qui ne peuvent pas vous quitter sans prière. Il a iwezu kutoka bila maombi. Vous devez gêner. Vous devez supplier le Seigneur. Cherchez suffisamment de grâce de la part du Seigneur. Un secours qui vient d'en haut pour avoir la victoire sur les démons qui peuvent tourmenter votre vie. C'est vrai. Bien quoi. Mais quand les gens ne prient pas, wakati le watu waombe tena, ils sont tout le temps vaincus. Kila mara banashindiwa. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de choses vont très mal dans nos vies chrétiennes. Abiendeke mu maisha yetu ya Kikristo. Voilà pourquoi notre vie n'avance pas. Jokomana maisha yetu yiendele. Et pourtant la victoire, la prière nous amène la victoire. Japo maombi inatuletea ushindi. À chaque fois qu'ennemi était attaqué, kila mara ile walikuwa namshambulia Nehemia, quand il recourait à la prière, wakati alikuwa anakimbilia kwa maombi, Dieu lui donnait la victoire. Mungu alikuwa anampatia ushindi. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Sawa Bwana Yesu Kristo. Et le même hier. Eko sawa sawa jana. Aujourd'hui. Leo. Et pour toujours. Na milele. Quiconque agira comme Néhémie. Yeyote la tatenda sawa Néhémia. Dans une situation difficile. Mambo ya nguvu. S'appuyant sur Dieu. Mwenye kumtumainia Mungu. Le Seigneur. Bwana. Lui donnera la victoire. Atampatia ushindi. C'est vrai. Mbia kweli. Il y a un temps. Kuku wakati. Lorsque l'Amérique était une jeune nation. Wakati Amerika ilikuwa inchi tu mupia. Et luttait pour sa survie. Na ilikuwa na kombana juu ipate kuwa na maisha mzuri. Elle avait un jeune président. Ilikuwa na raisi kiana. La nation elle-même était encore jeune. Taifa ya Amerika yo inyewe ilikuwa ingariki tu ya sasa. Il fut confronté aux Britanniques. Ilikombanishwa na wa Ingereza. L'armée américaine, Jesse Yao America, avec George Washington, na George Washington, devait affronter les Britanniques. Balipashi bakombane na Bangres. Les Britanniques étaient très forts. Bangres abarikuwa banguvu kabisa. Il pouvait marcher sur l'armée américaine qui était jeune. Maluwezi kutembea na ukanyanga jeshi ya Amerika wale walikuwa bakiana. Mais George Washington. Alakini George Washington. Se voyant faible devant cette armée ennemie. Wakati alijiona kwamba alikuwa mzaifu mbele ya ile jeshi ya waadui. Alors qu'il tenait à la vie et à la survie de l'Amérique jeune, Japo yeye alitumainia inchi yake ipate kuendelea, ipate kuishi. N'ayant pas de secours au monde, na sikuwa na msaada mu dunia mzima. George Washington, qui était un chrétien. George Washington yeye ule alikuwa mukristo. Se souvint de Dieu. Akamkumbuka Mungu. Et s'appuya sur Dieu. Na alimutumainia Mungu. Il crut en son cœur. Suivez très bien. Il crut en son cœur. Aliamini mumoyo wake. Que le Dieu Tout-Puissant. Ya kwamba Mungu wa uwezo wote. Était capable de le délivrer. Alikuwa na uwezo ya kumkomboa. Et de les accorder la victoire. Na ya kuwapatia ushindi. Mais les conditions n'étaient pas favorables. Les conditions dans la guerre n'étaient pas favorables. Le climat, c'était pendant l'été. L'été, il faisait très, très, très froid. Les soldats américains étaient très mal habillés. Waskari wa Amerika walivaa mbaya. Ils n'avaient pas un bon équipement pour affronter l'ennemi et affronter les conditions climatiques. Abakwenda masila na vyombo vya kustahili ili wapate kujikinga ku baridi. George Washington se sentant faible. George Washington alijiona kuwa mdhaifu. Alors qu'il devait affronter l'ennemi britannique qui était très fort, il se leva la nuit pour prier afin que Dieu leur accorde la victoire. Il ne considéra pas le climat, la situation climatique. Il se leva la nuit. Pendant qu'il faisait très froid, il alla s'agenouiller dans la neige. Akaenda kutwanga magoti muterudi. Il pria de tout son cœur jusqu'à ce qu'il se soit mouillé. Kufika na pale yeye yote mzima alilobana. Il resta là. Alibakia pale pale jusqu'à ce que Dieu est venu lui répondre. Kufika na pale Mungu alikuja kumjibu. Il resta là en prière jusqu'à ce qu'il ait reçu son absolu que Dieu lui avait répondu qu'il aurait la victoire sur les Britanniques. Et lorsqu'il se réveilla de la prière, wakati aliamuka toka maombi zake, il reçut une conviction profonde dans son cœur. Alipata kikisho ya upana mumoyo wake que Dieu allait lui donner la victoire sur son ennemi. Ya kwamba Mungu atampatia ushindi yulu ya adui zake. Il mit toute sa confiance dans son absolu. Aliweka tumaini yake yote yulu ya tegemeo yake. Qui était Dieu? Ile ilikuwa Mungu. Il avait rencontré dans la prière pendant qu'il cherchait son secours. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Et lorsque George Washington reçut cette certitude dans son cœur parce que Dieu l'avait rencontré dans sa prière sincère pour la survie de la nation, il n'était plus troublé et il n'avait plus peur d'affronter les Britanniques. Pourquoi? Il était convaincu que le Dieu Tout-Puissant qu'il avait rencontré dans la prière lui donnerait certainement la victoire sur les ennemis et que sa nation vivrait. Et lorsqu'ils sont allés dans la victoire, dans la guerre, le Dieu sur qui s'était appuyé Mungu ule yeye alitumainia lui donna la victoire. Alimpatia ushindi. Et frère Branham, na ndugu Branham, nous donne un très bon conseil. Naye anatupatia shauri mzuri. Dans le message l'absolu, Mujumbe tegemeo. Au paragraphe 50 et 51, Nukta makumitano na makumitano na moja, vous pouvez lire cette histoire que je venais de vous raconter. Unawezi kusoma hii hadithi mimi natoka mjadisia. Vous verrez comment l'armée américaine était délabrée. Mutaona namna kani jeshi ya wa Amerika wako na vifaa vya kabaila. Mais regardez comment ces rois avaient fait. Alakini muone namna kani maajabu ya Mungu ilifanyika. Que fit-il? Prophète me dit, qu'est-ce que le roi George Washington avait fait? Que fit-il? Dukubranama anasema ni nini ile mfalme Washington alifanya? Il était un chrétien. Yeye alikuwa mkristo. Il sortit pendant la nuit. Alitoka katikati ya usiku. Il s'agenouilla dans la neige. Akapika magoti muteluji. Et pria jusqu'à ce qu'il soit mouillé avec de l'eau de la neige aliomba, autour de sa taille. Aliomba kufika na pale, alilobanishwa kufika hata na Et il resta là. Mkiuno. Et pria jusqu'à ce qu'il eut l'absolu. Aliomba pale, alibakia pale kuomba kufika na pale alipata tegemeo. La réponse de Dieu. Jibu ya Mungu. Que Dieu allait lui donner la victoire. Ni ya kwamba Mungu atampatia ushindi. Et il mit sa confiance dans son absolu. Aliweka tumaini yake ndani ya tegemeo yake. D'une prière répondue. Vous voyez? Ya maombi ile Mungu alimjibia. Munaona? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Ni nini la yendeke leo? Avec les gens qui se réclament chrétiens. Na watu wale wanajiita wa Kristo. Pourquoi sommes-nous troublés dans une heure comme celle-ci? Janini tunafaidhaika wakati ambaye sawa hii. Pourquoi quand le malheur, une épreuve, une difficulté nous arrive, devons-nous être troublés? Janini wakati magumu wala majaribu natufikia tunafaidhaika? Ne soyons pas troublés. Tusifaidhaike. Soyons des soldats, oui monsieur. Tukue waskari, ndio bwana. George Washington pria jusqu'à ce qu'il ait reçu cette réponse-là, c'est-à-dire la réponse qu'il voulait. Manaka yeye aliomba kufika na pale alipata jibu ile alikuwa anatamani. Alors aucune prière nuageuse, hakuna hata maombi moya ya yuluyulu ya mawingu. Des soldats pieds nus, ya waskari wasipokuwa na viatu, sans tenir compte des circonstances, bila kuangalia hali mule walipatikana. Il pouvait prendre cela, alipashi kuchukua ile, parce que Dieu l'avait dit ainsi, kwani Mungu alimwambia hivi. Et pendant qu'il avançait, wakati ile walikuwa nasonga, pour attaquer l'ennemi, ya ukombanisha adui, une balle ne pouvait même pas les tuer. Risasi provenant de la carabine de l'ennemi, certainement. Risasi hata moya kutokea mbunduki ya wadui haikupashi kuwagusa. Pendant que George Washington s'est aligné en bataille pour attaquer l'ennemi, wakati ile George Washington alisimama na kwenda mufita juu ya kukombanisha adui, l'ennemi avait lancé trois coups qui avaient atteint son manteau. Adui alitupa masasi tatu ili kugusa koti lake. Les balles qui avaient touché son manteau ne pouvaient pas décourager ou démoraliser George Washington. Hata ile masasi ile iligusa koti yake haikumulekesha. Pourquoi? Ya nini? Parce qu'il avait déjà une prière exaucée de la part du Tout-Puissant. Kwani yeye alikuwa na maombi ile Mungu wa uwezo alimjibia. Même à l'approche de l'ennemi, son cœur ne pouvait pas se troubler. Hata wakati ile adui alikaribia yeye asifadhaike. Parce que Dieu lui avait dit, kwani Mungu alimwambia, qu'il lui donnerait la victoire. Kwani Mungu yeye alimwambia kwamba atampatia ushindi. Il avait déjà une réunion de prière. Yeye alikuwa ameshafanya mkusanyiko wa maombi. Il avait déjà fait une réunion de prière. Alikuwa ameshafanya mkusanyiko wa maombi. Dans la réunion de prière, il avait déjà reçu une réponse positive de Dieu. C'est ainsi que toutes les circonstances qui l'entouraient, toutes les circonstances qui l'entouraient, qui paraissaient négatives à l'œil humain, n'avaient plus d'effet sur sa foi, parce qu'il était fondé sur Dieu. Et il est avancé, il avança jusqu'à ce que Dieu confirma sa prière. N'est-ce pas une bonne leçon ce soir? Pour nous qui avons fait la prière ce matin. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Lorsque un homme est allé dans la présence de Dieu et qu'il a prié sincèrement de tout son cœur jusqu'à ce que le ciel est descendu, le Saint-Esprit a touché son cœur. Le Saint-Esprit lui a dit que ta prière a été exaucée. Alors tout doute est dissipé. Le chrétien marchera avec assurance dans la victoire. Oui bien mes frères, nous sommes troublés lorsque la maladie vient. Nous sommes troublés lorsque nos activités boitent. Nous sommes troublés lorsque nous rencontrons des difficultés dans notre marche. C'est parce que nous ne prions pas suffisamment. Nous ne sommes pas allés dans la présence de Dieu pour recevoir notre absolu qui nous conduira dans cette bataille jusqu'à la victoire. C'est vrai. Nous n'avons pas de l'assurance. C'est vrai, frère. Parce que nous négligeons quelque chose qui nous est profitable, que Dieu nous a donné. La prière Maombi est une puissance ni uwezo pour un chrétien. Kwa Mukristo. Ba frère ba mingi, beaucoup de frères, na ba sœur ba mingi, et beaucoup de sœurs, Beko naongo pa maombi, qui fuit la prière, ni ju abaya vumbulaka, c'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert wa maombi, les bienfaits de la prière, na ushindi ikondani ya maombi, ainsi que la victoire qui se retrouve dans la prière. Banduku na badada ba mingi, beaucoup de frères et de sœurs, beko naongo pa maombi, craignent la prière, abaya endaka muwepo ya Mungu, depuis qu'ils se sont jamais présentés dans la présence de Dieu. Celui qui est déjà entré dans la présence de Dieu, il aimera chaque fois d'être en présence de Dieu. Depuis que c'est dans la présence de Dieu, la victoire dans toutes les circonstances de sa vie, que ça soit chamelle spirituelle, la victoire il la trouve dans la prière. Si quelqu'un prie, il est vraiment indifférent de tout ce qui lui arrive, puisqu'il sait que Dieu, qu'il prie, il est vivant et il lui donnera la victoire dans toute situation. Le secret de la vie chrétienne se trouve dans la prière. Il n'a pas dit qu'un an dans la prière. Et mes frères, on m'enseigne dit. Na ndugu bwana anafundisha na kusema. La clé même qui nous ouvre. Fungulo yenye natufungulia. Toutes sortes de bénédictions de Dieu. Ma aina yote ya baraka ya Mungu. C'est par la voie de la prière. Ni kupitia njia ya maombi. Dans le message, les attentes. Mujumbe ile tunaongoja. Les attentes. Les attentes. Ile tunachunga. Du 5 avril 1950. Il y a 5 avril 1950. Dans son paragraphe 1. Munukta ki ya kwanza. Tobana me dit ceci. Dukubrana manasema hivi. Merci. Asanti. Chacun de vous. Kila mmoja wenu. Car il y a un moment où vous étiez en train de chanter. Kwani kulikuwa muda ile mlikuwa na imba. Pour moi je suis en train de prier. Kwangu mimi yeye nalikuwa naomba. c'est ce que je veux que vous fassiez. Jo ile mimi napenda na mwe mfanye. C'est de la prière que dépend. Ni mu maombi njo mnatokea. C'est le secret de tous les mystères de Dieu. Josiri ya masiri yote ya Mungu. La prière maombi est le secret Josiri de tous les mystères de Dieu. Ya masiri yote ya Mungu. C'est la clé qui ouvre la porte pour toutes choses de Dieu. C'est la clé qui ouvre maombi, la porte pour toutes choses de Dieu. Maombi, njo fungulo, ina fungula mulango, c'est la prière. Maombi. Maombi, la prière. Njo fungulo, c'est la clé. Iko na kufunguria. Kitouvre. Ila kitu kyote uko natafuta. Upande ya Mungu. C'est la part de Dieu. Si vous priez kiyomba, et que vous croyez na ukiyamini, lorsque vous priez wakati unaomba, alors vous recevrez utapokea, ce que vous demandez ile unaomba, et Dieu vous le fera connaître. Na Mungu atakujulisha yo. Vous voyez bien mes frères, unaona nduku mpendwa, vous voyez bien mes soeurs, unaona dada mpendwa, c'est la prière ni maombi qui accomplit le travail. Joy kuna timiza inatenda même kazi. Même quand vous vous retrouvez dans les difficultés. Hata kama unapatikana katika magumu. C'est vrai frère. Bia kweri nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweri dada. Parmi tous les dons. Katikati ya mazawadi zote. Que Dieu a donné au monde. Ile Mungu alipatia ulimwengu. Il n'y a pas un seul don hakuna zawadi hata moja qui dépasse la prière. Ile inashindia maombi. Frère, Nduku, il n'y a pas un seul don qui accomplit l'œuvre de Dieu dans la vie d'un croyant comme la prière. C'est la prière ni maombi qui accomplit natimiza tout le travail dans le domaine spirituel mambo ya kiro de la vie d'un chrétien. Ya maisha ya Mukristo. En d'autres termes, una mwingine ya kusema, nous recevons toutes choses. Tunapokea vitu vyote. C'est pas la voie de la prière. Kupitia njia ya maombi. La parole neno nous montre la voie. Inatuonesha njia. Pour recevoir ya kupokea. Ce dont nous avons besoin. Ile sisi tunahitaji. Mais c'est la prière. Na lakini ni maombi. Qui accomplit le travail. Je natimiza kazi. Pour que ce que toi tu as demandé soit une réalité dans votre vie. Ipate kwa uhakika mu maisha yako. Pour tout besoin, uitaji yote, c'est la prière qui accomplit le travail. Ni maombi ndio kunatimiza kazi. Que ça soit ikiwa un besoin spirituel, uitaji ya kiro, que ça soit ikiwa un besoin physique, uitaji ya kimwili, c'est la prière ni maombi qui fait le travail. Ndio inafanya ile kazi. Essayez cela, vous verrez. Uipime tu utaona. Cela se résume dans ce que Jésus a dit. Tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez. Prenons d'abord Marc au chapitre 11. Dans le verset 22. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, yes, ayez foi en Dieu. Mungu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, toka pale, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point kama, en son cœur, mais crois que ce qu'il dit na akiamini ya kwamba, ila anasema, arrive, itafika, il le verra s'accomplir. Ataiona kutimilika. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Jo kwa maana namiambia. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Jo kwa maana namiambia. Tout ce que vous demanderez en priant, ile yote mutaomba katika maombi, croyez que vous l'avez reçu, muamini ya kwamba mmeisha pokea, et vous le verrez s'accomplir. Utaiona kutimilika. Ça, c'est pour les croyants, pas pour les incrédules qui ne disent pas amen à la parole de Dieu. tout ce que vous demandez en priant, vous voulez le Saint-Esprit. On a été dit Rome Takatifu. Jésus lui-même Jésus-Christ a reçu Mnyeo. Le Saint-Esprit Aripokea Rome Takatifu. Ah, pendant qu'il priait. Wakati ile alikuwa naomba. Les apôtres wa mitume ont reçu le Saint-Esprit Aripokea Rome Takatifu. Pendant qu'ils étaient en Wakati prière. Ile walikuwa naomba. Vous voulez la vie de la vie de la vie la vie la vie sainte. Unapenda maisha takatifu. La prière maombi vous donnera la vie sainte. Itakupatia maisha takatifu. Vous voulez la victoire sur un mauvais caractère qui est attaché à votre nature. La prière accomplira le travail. Vous voulez la santé. La prière vous donnera la santé. Vous voulez du travail. La prière vous donnera du travail. Vous voulez avoir une bonne femme. La prière te donnera une bonne femme. Vous voulez avoir un bon mari. La prière t'accordera un bon mari. Tu veux avoir de bons enfants. La prière te donnera tout cela. Tu veux que tes affaires soient bénies. La prière vous accordera la bénédiction. C'est par la prière que nous recevons toutes les bénédictions rédemptrices que Christ nous a au point du calvaire. C'est la prière qui accomplit le travail. Quand vous priez la prière, vous ne recevrez rien. Ta vie ne peut pas changer. Maisha yako haitabadilika kamwe. Néhémie avait compris cela. Néhémie yeye alielewa vile. Vous voulez monter, surmonter la colère. Unapenda la prière va dissiper ton caractère, ton tempérament. Ah, maombi itakusaidia itoshe kasirani. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpenzi. Quoi que vous voudrez avoir. Yoyote unahitaji kupata. La prière vous l'accordera. Maombi itakupatia hiyo. C'est pourquoi Néhémie avait compris. Je comprends Néhémie alielewa ile. Quand vous sentez être méprisé par les gens. Wakati unajiona ya kwamba wanakubeula kwa watu. Vous êtes critiqué par les gens. Wanakubeula kwa watu. Vous êtes calomnié par les gens. Wanakusingizia kwa watu. Pour vous amener à un découragement. Jua bapate kulekesha. Priez. Uombe. Vous recevrez la force. Utapokea nguvu. De surmonter les épreuves. Ya wewe kushinda majaribu. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. Vous remarquerez dans le deuxième attaque. Mutaona mkule kushambuliwa kukombanishiwa kwa pili. Les ennemis de Judas, les ennemis de Juifs. Baadhi ya Wayuda ont fait des menaces de guerre. Bali washambulia vita. Quand vous prenez Néhémie chapitre 4. Ukichukua Néhémie sura yake ya 4. Dans son verset 7 à 8. Mustari ya 7 na ya 8. Même dans le verset 11, attends, Moussari, à combien moja? Les ennemis les menaçaient. Waadui barukwana ba kumbanisha. Dans le verset 11, pour aller un peu plus vite, Moussari, à combien moja? Et nos ennemis disaient, na waadui etu walukwana sema, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons. Et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Awata jua na wataona kufika na pale tutafika katikati yabo na tutawaua na hawataweza hii kazi. Quand les ennemis de Juda, wakati wadu wa Yuda, ont commencé à les menacer par la guerre, walianza kuwashambulia na vita. Regardez le comportement de Néhémie. Tazameni namna kutendea Néhémie. La solution pour lui, jibu kwake, c'était un, la foi. Il quoi qu'il y a quoi en zani imani. Deux, la vigilance. Kiapiri kuangarishisha mzuri kusopoka. Trois, c'est la résistance. Kiatatu ni kushindana. Et quatre, n'avait pas de crainte. Asikuwa na oga. Quand il a senti, wakati alisikia, des menaces de guerre, kushambuliwa kwa vita, Néhémie a gardé la foi Néhémie en Dieu. Alichunga imani ya kumwamini Mungu. Néhémie savait Néhémie alijua que l'œuvre qu'il était en train de faire kwamba kazi alikuwa anafanya n'était pas son œuvre. Haikuwa kazi yake mwenyewe. C'était l'œuvre de Jéhovah. Ilikuwa ni kazi ya Yehova. Jéhovah lui-même combattrait pour lui. Alikuwa kumkombania. Mais il ne dormait pas. Alakini asikuwa na singizia wala kulala. Il était vigilant. Arkwana kesha. Il organisa la résistance. Alitengeneza ushindano. Et il n'avait pas de peur en lui. Na sikuwa na boga ndani yake. C'est pourquoi il dit aux Juifs. Jokomana aliambia wa Yuda. Il dit ne le craignez pas. Ya kwamba mweye musiwaogope. Soyez fortifiés. Mutiwe nguvu. Oui, bien-aimés frères. Dieu ndugu mpendwa. C'est l'attitude que nous devons avoir. Ni hali ile tunapashi kuwa nayo. Quand nous sommes attaqués par l'ennemi. Wakati wanatushambulia kwa adui. De n'importe quelle manière dans notre vie chrétienne. Aidugu mnamna gani ya maisha yetu ya Kikristo. Nous devons toujours garder la foi dans la parole. Tunapashi kuchunga imani ndani ya neno. Nous devons garder la foi en Dieu. Kuchunga imani ndani ya neno. Nous devons garder la foi. Kuchunga imani. Dans les promesses que Dieu nous a faites. Malako ile Mungu alitulaka. Nous devons être vigilants. Tunapashi kusopoka. Pour voir les moyens que Satan utilise, va utiliser pour nous abattre. Nous devons résister. Sisi tunapashi kushindana. Pierre, Petro, nous a aussi enseigné. Naye alitufundisha. Lorsque nous sommes attaqués, wakati ile wanatukombanisha. Quelle doit être notre attitude? Ali yetu ya kutenda na pashikuwa namna gani? Dans 1 Pierre. Petro wa kwanza. Au chapitre 5. Surake ya tano. Dans son verset 8 à 9. Mustari ya munane na tisa. Soyez sobre et veillez. Mpate kwa na kiasi na mukeshe. Votre adversaire le diable. Adui wenu shetani. Rôde comme un lion rugissant. Anazunguka sawa simba mwenye kunguruma. Cherchant qui il dévorera. Na anatafuta ni nani ule atararua. L'église doit comprendre. Kanisa inapashi kuelewa. Chaque chrétien doit comprendre. Kila mkristo anapashi kuelewa. Aussi longtemps qu'il a un souffle de vie. Wakati yote ile eko mzima. Il est toujours sur les champs de bataille. Kila mara yeye ko katika vita. Et Satan na shetani rôde tout autour de lui. Anazunguka pembeni yake. Comme un lion. Sawa simba. Qui cherche à l'abattre. Ule natafuta muue. Mais soyez sobre. Alakini ukuwe na kiasi. Éveillé. Na ukeshe. Considérez tout ce que vous enseigne la parole de Dieu. Wangalishishe ile yote neno la Mungu inakufundisha. Vivez tout ce que vous dit la parole de Dieu. Uishi ile yote neno la Mungu inakuambia. Résistez au diable. Ushindane na shetani. Faites le contraire. Ufanye kinyume. De ce que vous propose Satan. Ya kile shetani anakuomba ufanye. Vous le vaincrez. Utamushinda. C'est vrai. Ni kweli. Soyez sobre et veillez. Mwe na kiasi na mukeshe. Votre adversaire le diable. Adui wenu shetani. Rôde comme un lion rugissant. Anazunguka sawa simba mwenye kunguruma. Cherchant qui il dévorera. Na anatafuta ni nani ule anawezi kurarua. Celui qui est distrait là. Ule mwenye kulengama pale. Il va le dévorer. Atamurarua. Résistez-lui avec une foi ferme. Mushindane naye na imani ya imara. Cette foi ferme. Ile imani ya imara. Nous vient de la prédication de la parole. Inatokea kumahubiri ya neno la Mungu. Résistez-lui avec une foi ferme. Mushindane naye na imani ya imara. Sachant que le même souffrance. Benye kujua kwamba mateso moja moja. Sont imposés à vos frères dans le monde entier. Irendeya banduku yenu mulimwengu mzima. Comprenez que. Mwelewe ya kwamba. Tous les véritables chrétiens. Bakristo bote bakweli. Sont dans la même situation que vous. Beko mwali moja moja na weye. Vous n'avez pas. Auna. Raison d'avoir peur. Na sheria. Vous n'avez pas raison de vous décourager. Na sababu ya kutokea avec la parole. Wewe ubaki na neno la Mungu. Résistez à toutes les tentations de l'ennemi. Ushindane na shambulio yote ya adui. Et vous aurez la victoire. Na utapata ushindi. C'est vrai. Bia kweli. Jacques au chapitre 4. Yakobo sura yake ya 4. Dans son verset 7 l'écriture dit. Mstari ya 7 andiko. Soumettez-vous donc à Dieu. Mritishi basi kwa Mungu. Résistez au diable. Mshindane na shetani. Et il fuira loin de vous. Na yatamikimbia kwenda mbali. N'ayez pas de crainte. Musikwe na oga. C'est vrai. Bia kweli. C'est ce que Néhémie a fait. Quand vous prenez Néhémie chapitre 4, dans son verset 14, regardez comment il a dit. Regardez. J'ai regardé. Et mettant le vin, j'ai dit au grand, au magistrat et au reste du peuple, ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Mukombanie manyumba zenu. Quel encouragement. Kutiwa moyo gani kwa vile. Peu importe une situation qui peut surgir Aizuru dans votre vie, ali kani mbaye na Yesu kwa mko maisha. N'ayez pas peur. Même si la maladie venait, n'ayez pas peur. Même si la mort venait dans votre foyer, n'ayez pas peur. Même si la famine venait dans votre foyer, n'ayez pas peur. Même si la persécution venait, n'ayez pas peur. Dieu vous a doté des armes défensives et des armes offensives. Et la prière est l'une des armes que Dieu vous a données. La foi dans la parole de vérité, la foi dans les promesses de Dieu est une arme que Satan ne peut pas vaincre. Quand vous allez dans la prière, vous dites, Seigneur, tu as promis ça, tu as promis ça, tu as promis ça, tu as dit ça, tu as dit ça, et moi ton fils, je me trouve dans cette situation, exauce ma prière. Dieu est fidèle à sa parole. Il répondra toujours à une prière sincère. N'ayez pas de crainte. Comme on voit souvent les frères, son mari tombe malade, sa femme tombe malade, il pense qu'il mourra. Non. Nous ne partirons qu'au temps de Dieu. Si tutaenda paka mwakati ya Mungu. Chaque souffrance qui vient, kila mateso inatufikia, ce n'est pas pour nous amener à la mort. Haina juu ya kutupeleka kulufu. Des fois c'est pour manifester la gloire du Seigneur. Sasa zingine juu ya kuonekanisha utukufu wa Mungu. Vous voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpeni. Quand ils ont reçu des menaces, wakati waliwashambulia, ils ont gardé la foi en Dieu. Bo walichunga imani ya kumwamini Mungu. Ils ont résisté. Walishindana. Ils étaient sans crainte. Walikuwa bila boga. Ils disaient avec les moyens de bord. Walisema na imambo tuku na masila kidogo tuku na. Ces moyens faibles. Masila ya uzaifu. Utilisons-le contre notre ennemi. Tuitumikishe kumaliza adui. Dieu viendra appuyer nos armes faibles. Masila ya uzaifu. Pour nous accorder la victoire. Ya kutupatia ushindi. C'est ce que Dieu fait. Ndio kile Mungu yuko nafanya. Oui, bien-aimé frère. Et quand Satan a fait une troisième attaque, une attaque interne, par la cupidité et l'égoïsme des chefs de Juifs, afin d'arrêter l'œuvre de Dieu, Néhémie était très sage par l'Esprit de Dieu. Et lui, comme solution, il a réprimandé Arikemea les chefs. Bale bakubwa ba Yuda. Il a demandé aliwaambia de restituer ya kwamba barudishe les droits des pauvres. Mahalali ya ba maskini. Et de réparer leurs fautes. Na batengeneze makosa zao. Il a instruit les gens à être honnêtes. Arifundisha watu wapate kuwa wauaki. Oui bien aimé frère. Ndio ndugu mpeni. Oui bien aimé sœur. Ndio dada mpeni. Si les gens ne sont pas corrects, ne sont pas honnêtes, ne sont pas sincères, ne sont pas véridiques, les uns envers les autres, la victoire ne viendra pas. Pour amener les gens à être honnêtes, pour amener les gens à être droits, la réprimande avec la parole de Dieu a toujours été nécessaire. C'est vrai frère. Bien kweli ndugu. C'est vrai ma soeur. Bien kweli dada. Il y a des fois kuku kila mara on doit prendre le fouet de la parole. Napashi kuchugua fimbo la neno la Mungu. Pour redresser les gens. Jua kunyolosha watu. Il y a des fois. Kila mara. On doit voir les yeux rouges. Tunawezi kuwa na macho ya mwekundu. Non pas contre les hommes, mais contre les démons. Hapana ya kumbanisha watu, lakini qui envahissent le cœur des gens. Ile inaribu mioyo ya watu. Avec la parole. Na neno la Mungu. Pour éloigner les serpents du peuple. Jua kuondosha nyoka katikati ya taifa. On doit frapper fort. Napashi kupika na nguvu na ukali. Le serpent qui mord l'église. Nyoka ule anaumiza kanisa. Avec la dernière énergie. Na nguvu zote. Par la voix de la parole. Kupitia njia neno. On doit réprimer les gens. Napashi kukemea watu. Quand le péché commence à mordre les gens. Wakati dhambi inaanza kuumiza watu. Le péché commence à envahir les gens. Inaanza kushambulia watu. On ne doit pas faiblir. Hatuwezi kulekea. On doit réprimer. Tunapashi kukemea. C'est vrai, frère. Bien kweli nduku. C'est ce que cet homme a fait. Jo kile umutu alifanya. Quand vous lisez dans Néhémie chapitre 5, mukisoma mu Néhémie sura 5, dans le verset 7, il dit, msali ya 7 résolu de faire des réprimandes. Nilichugua mpango ya kukemea. Au grand, wakubwa, au magistrat, na wamzi. Et je leur dis quoi? Na, vous prêtez à intérêt à vos frères? Ni nini munakopesha wanduku zenu kwa faida? Vous voyez, frère, unaona banduku. Quand le péché entre de l'intérieur, wakati zambi inaingia ndani, on doit élever la voix contre ce péché-là. Inapashi kupandisha sauti mbele ya ile zambi. Et la quatrième attaque. Na kushambuliwa kwa ine. C'était la ruse et la séduction. Ilikuwa ni bujanja na utongozi. De l'ennemi parce qu'il voulait à tout prix. Ya adui kwani alipenda. Tuer. Auwe. Et abattre l'œuvre de Dieu. Na simamishe na kuua kazi ya Mungu. Quand vous prenez Néhémie chapitre 6. Kichukua Néhémie sura 6. À partir du verset 1. Kuanzia mstari ya kwanza. Jusqu'à le verset 7. Kufika na mstari ya 7. Quand l'ennemi avait vu. Wakati adui aliona ya kwamba. Que la miraille était achevée. Ya kwamba ukuta alimalizika. Et qu'il ne restait que des brèches. Na kulibakia tu ni milango. Ils ont changé maintenant. Wakabadilisha sasa. De comportement. Namna ya kutenda. Ils voulaient maintenant faire du mal. Sasa walipenda watende mbaya. A Nehemi. Ma mtende Nehemi vibaya. Vous voyez. Munaona. Il lui envoyait de temps en temps kila mara walikuwa namtumia maujumbe pour appeler Nehemi dans la vallée d'Onon ili wapate kumuita Nehemi ende mule mubonde ya Ono afin qu'il lui fasse du mal ili wamufanie wamtende vibaya. Mais Nehemi était tellement averti, lakini Nehemi alikalamushwa. Il leur disait chaque fois qu'il appelait, kila mara walikuwa namuita alikuwa anawaambia, j'ai un grand ouvrage. Akawaambia kwamba mimi niko na kazi mnene. À exécuter et je ne puis descendre. Mimi siwezi kushuka mule mbonde niko na kazi mingi. Le travail serait interrompu. Kazi itasimamishwa siwezi kuja. Pendant que je quitterai pour aller vers vous. Wakati ile nitakuja kule kwenu kazi itasimama. Ils ont inventé beaucoup de fausses accusations. Walitunga mastaki ya mingi ya bongo. Pour faire peur. Ya kumtetemesha. Anemi afin qu'il cède. Nemi ili apate kuacha. Non, Nemi ne pouvait pas céder. Nemi hakuwezi kama kuacha. Et lui comme solution. Yeye kwake jibu ilikuwa ni. À la ruse et à la séduction. Kujanja na kumtongozi wa adui. Il est resté ferme. Alibakia imara. La fermeté imara yake dans son activité, mu makazi yake. Il ne pouvait pas prêter oreille hakuwezi kama kusiteka sikio. Le diable disait, ou ile shetani alikuwa anasema. Il connaissait sa mission. Yeye alijua kazi yake. Écoutez bien mes frères et sœurs, sikilizeni banduku na badada. Tunekalaka tuko distrait mu matake ya shetani. Chaque fois nous sommes distraits dans les attaques de Satan. Mitéko ya shetani. Et nous tombons dans les pièces de Satan. C'est parce que atuju atuna baminifu. C'est parce que nous ne sommes pas fidèles. Mubile ambao turiamini. Dans ce que nous avons cru. Na atuju ebile tuko na fwanye. Et nous ne savons pas ce que nous faisons. Quand quelqu'un sait. Wakati mutu anajua. C'est lui qui l'a appelé. Ula limuita. Il sait pourquoi il a appelé. Anajua jia nini alimuita. Il sait ce qu'il fait. Anajua kile kunafanya. Il ne peut jamais awezi kamwe céder à toutes les sollicitations de l'ennemi. Kuitikia ile yote shetani anamzambia. D'où qu'elle vienne. Hata kama inatokea wapi awezi kamwe kuitikia. Il a un bon discernement. Yeye kuna kutambua kuzuri kwa roho. Tout ce qui est contraire. Yote yenye kwa kinyume. À la mission que Dieu t'a donnée. Na kazi ile Mungu alikupatia. C'est une distraction. Manake ile ni ukulengamisha. C'est l'œuvre de l'ennemi. Ni kazi ya adui. Tout ce qui te fait abandonner. Ile yote na kusukuma uache. L'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu. Est une distraction de l'ennemi. Ile ni kulengamishwa kwa adui. Allez lire cela à la maison, vous verrez. Mwende muisome kumulango mtaiona. Dans Néhémie chapitre 6. Nehemia sura yake ya 6. Regardez le comportement. Tazameni namna ya kutenda. Ya Nehemi. Il ne voulait jamais. Yeye asikupende kamwe. Abandonner. Kuacha. L'œuvre qu'il avait déjà commencé à faire. Kazi ile alikuwa ameshaanza fanya. Quelqu'un qui vous sollicite. Mtu anakuomba. Pour s'absenter de l'église. Anakuambia ulope kanisa. Pour s'absenter à la prière. Ulope kwa maombi. Tu ne dois pas céder. Hawezi kuitikia. Peu importe les bonnes paroles qu'il peut utiliser. Aizuru misemo gani mizuri anawezi kutumia. C'est vrai. Bien quelli. C'est pourquoi la vie de la prière je commande maisha ya maombi nous donne suffisamment du discernement. Inatupatia kutambua kwa roho kwa mingi. Pour nous donner la clarté sur chaque attaque du diable. Mwangaza yule ya kushambuliwa kote kwa shetani. Frère, duku mu Kristo wote, tu chrétien. Eko na zoezo ya kuomba. Qui a l'habitude de prier? Anguka kanguka ke miteko ya shetani. Il ne tombe pas dans les pièges de Satan. Ju ya nini? Pourquoi? Ni ju Rome takatifu. C'est parce que le Saint-Esprit chini ya mafuta yake ile ambao anabakia. Sous son onction dans lequel il se retrouve. Itamufununia. Va lui révéler. Ma attaque yote ya shetani. Toutes les attaques de Satan. Na atafungula macho yake. Il lui ouvrira les yeux. Kila shetani, kila kintu shetani yako nafuanya. A toute chose que Satan est en train de faire. Kama mtu eko na maisha ya maombi. Si quelqu'un a la vie de prière. Atatambua. Il découvrira. Roya shetani. L'esprit de Satan. Na roya Mungu. Ainsi que l'esprit de Dieu. Atangara nduku yake. Il verra son frère. Anamushikia. Il va l'écouter. Rome takatifu inamwambia kusema. Le Saint-Esprit lui dira que aina roho ya Mungu iko ndani ya udada. Ça ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle à travers cette sœur. Ça ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle à travers ses frères, c'est l'esprit de Satan. Si tu découvres que c'est l'esprit de Satan. Tu connais déjà la parole. On est chakujua neno la Mungu. Tu prends la position pour Dieu. Utachukua msimamo ngambo ya Mungu. Et comme mtu ana na zoezi ya kuomba mais Mungu, si quelqu'un n'a pas l'habitude de prier Dieu ou le certain faiblard mtu mzaifu qui tombe à chaque tentation mwenye kuanguka kukila jaribu yote un homme sans vie de prière mtu bila kuwa na maisha ya maombi n'a aucun discernement ana na kutambua hata kidogo kwa roho kwake ni vizuri le bien pour lui biko bien kwake ce sont les bien le mal biko vizuri c'est toujours le bien. Il est dans la confusion. Eko katika mufuruko. Mais quand le Saint-Esprit vient, na lakini wakati Roho Mtakatifu anakuja, il nous conduira, atatuongoza dans toute la vérité. Katika ukweli lote. C'est pourquoi négliger la prière. Je commande kusula maombi. C'est négliger votre âme. Ni kusula nafsi yako. Tu n'auras jamais de progrès. Hautakuwa kamwe na maendeleo. Tu n'auras jamais de victoire. Hautakuwa kamwe na ushindi. Un démon. Yule ya démon na moja. Une nature, une mauvaise nature en vous. Yule ya asili mbaya. Tabia mbaya. Une attaque du diable. Wala yule ya kushambuliwa kwa shetani. Dans ta vie. Mu maisha yako. Tu seras toujours vaincu. Kila mara wewe utakuwa mwenye kushindiwa. Diable, parce que vous manquez la vie de la prière. Maisha ya maombi, là où nous devons tirer la force mule tunapashi upata pour vaincre nguvu, l'ennemi. Dieu a kumushinda adui. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Mungu amibariki juu ya magharibi ya leo. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. La prière est une arme puissante. Maombi ni silaha ya nguvu. Vous devez avoir honte. Unapashi kushikia haya. de n'avoir pas une vie de prière. Vile una na maisha ya maombi. Vous devez avoir honte. Unapashi kusikia haya. Quand vous ne faites pas une prière sincère. Wakati ila una na maombi ya uwaki. Un homme qui ne fait pas une prière sincère. Mtu asipokuwa na maombi ya uwaki. Ne croit pas en Dieu. Yeye asimwamini Mungu. Mais celui qui croit en Dieu. Alakini ule anamwamini Mungu. Il est capable. Ya kwamba yuko na uwezo. De le relever. Ya kumulamusha. Et de lui donner victoire. Ya kumupatia ushindi. Sur toute chose. Mumambo yote. Il prie. Yeye ule ataomba. Prions. Tuombe.